174e nuit. On mit donc le voleur sous le bâton, dit le barbier, et il eut la constance de s'en laisser donner jusqu'à 20 ou 30 coups. Mais, faisant semblant de se laisser vaincre par la douleur, il ouvrit un œil premièrement, et bientôt après il ouvrit l'autre en criant miséricorde, et en suppliant le juge de police de faire cesser les coups. Le juge, voyant que le voleur le regardait les yeux ouverts, en fut fort étonné. « Méchant, lui dit-il, que signifie ce miracle ?»« Seigneur, répondit le voleur, je vais vous découvrir un secret important, si vous voulez me faire grâce et me donner pour gage que vous me tiendrez parole l'anneau que vous avez au doigt et qui vous sert de cachet. Je suis prêt à vous révéler tout le mystère. » Le juge fit cesser les coups de bâton, lui remit son anneau et promit de lui faire grâce. Sur la foi de cette promesse, reprit le voleur, je vous avouerai, Seigneur, que mes camarades et moi nous voyons fort clair tous quatre. Nous feignons d'être aveugles pour entrer librement dans les maisons et pénétrer jusqu'aux appartements des femmes où nous abusons de leur faiblesse. Je vous confesse encore que, par cet artifice, nous avons gagné 10 000 drachmes en société. J'en ai demandé aujourd'hui à mes confrères 2 500 qui m'appartiennent pour ma part. Ils me les ont refusés, parce que je leur ai déclaré que je voulais me retirer et qu'ils ont eu peur que je ne les accusasse. Et sur mes instances, à leur demander ma part, ils se sont jetés sur moi et m'ont maltraité de la manière dont je prends un témoin les personnes qui nous ont amenés devant vous. J'attends de votre justice, Seigneur, que vous me ferez livrer vous-même les 2 500 drachmes qui me sont dues. Si vous voulez que mes camarades confessent la vérité de ce que j'avance, faites-leur donner 3 fois autant de coups de bâton que j'en ai reçus. Vous verrez qu'ils ouvriront les yeux comme moi. » Mon frère et les 2 autres aveugles voulurent se justifier d'une imposture si horrible. Mais le juge ne daigna pas les écouter. « Scélérat, leur dit-il, c'est donc ainsi que vous contrefaites les aveugles, que vous trompez les gens sous prétexte d'exciter leur charité et que vous commettez de si méchantes actions. C'est une imposture, s'écria mon frère. Il est faux qu'aucun de nous voit clair. Nous en prenons Dieu à témoin. » Tout ce que put dire mon frère fut inutile. Les camarades et lui reçurent chacun 200 coups de bâton. Le juge attendait toujours qu'ils ouvrissent les yeux et attribuait à une grande obstination ce qui n'était que l'effet d'une impuissance absolue. Pendant ce temps-là, le voleur disait aux aveugles, « Pauvres gens que vous êtes, ouvrez les yeux et n'attendez pas qu'on vous fasse mourir sous le bâton. » Puis s'adressant au juge de police. « Seigneur, lui dit-il, je vois bien qu'ils pousseront leur malice jusqu'au bout et que jamais ils n'ouvriront les yeux. Ils veulent sans doute éviter la honte qu'ils auraient de dire leur condamnation dans les regards de ceux qui les verront. Il vaut mieux leur faire grâce et envoyer quelqu'un avec moi prendre les 10 000 drachmes qu'ils ont cachés. » Le juge n'eut garde d'y manquer. Il fit accompagner le voleur par un de ses gens qui lui apporta les 10 sacs. Il fit compter 2 500 drachmes au voleur et retint le reste pour lui. À l'égard de mon frère et de ses compagnons, il en eut pitié et se contenta de les bannir. Je n'eus pas plutôt appris ce qui était arrivé à mon frère que je courus après lui. Il me raconta son malheur et je le ramenai secrètement dans la ville. J'aurais bien pu le justifier auprès du juge de police et faire punir le voleur comme il le méritait. Mais je n'osais l'entreprendre, de peur de m'attirer à moi-même quelque mauvaise affaire. Ce fut ainsi que j'achevai la triste aventure de mon bon frère l'aveugle. Le calife n'en rit pas moins que de celle qu'il avait déjà entendue. Il ordonna de nouveau qu'on me donnât quelque chose. Mais sans attendre qu'on exécutât son ordre, je commençai l'histoire de mon 4e frère. Histoire du 4e frère du barbier. Alcouz était le nom de mon 4e frère. Il devint borgne à l'occasion que j'aurai l'honneur de dire à votre majesté. Il était boucher de profession. Il avait un talent particulier pour élever et dresser des béliers à se battre, et par ce moyen, il s'était acquis la connaissance et l'amitié des principaux seigneurs qui se plaisent à voir ces sortes de combats et qui ont pour cet effet des béliers chez eux. Il était d'ailleurs fort achalandé. Il avait toujours dans sa boutique la plus belle viande qu'il y eût à la boucherie, parce qu'il était fort riche et qu'il n'épargnait rien pour avoir la meilleure. Un jour qu'il était dans sa boutique, un vieillard qui avait une longue barbe blanche vint acheter 6 livres de viande, lui en donna l'argent et s'en alla. Mon frère trouva cet argent si beau, si blanc et si bien monnayé qu'il le mit à part dans un coffre dans un endroit séparé. Le même vieillard ne manqua pas, durant 5 mois, de venir prendre chaque jour la même quantité de viande et de la payer en pareille monnaie que mon frère continua de mettre à part. Au bout de 5 mois, Alcouz, voulant acheter une quantité de moutons et les payer en cette belle monnaie, ouvrit le coffre. Mais au lieu de la trouver, il fut dans un étonnement extrême de ne voir que des feuilles coupées en rond à la place où il l'avait mise. Il se donna des grands coups à la tête en faisant des cris qui attirèrent bientôt les voisins, dont la surprise égala la sienne lorsqu'ils eurent appris de quoi il s'agissait. « Plût à Dieu !» s'écria mon frère en pleurant, « que ce traître de vieillard arriva présentement avec son air hypocrite !» Il n'eut pas plus tôt achevé ses paroles qu'il le vit venir de loin. Il courut au-devant de lui avec précipitation et mettant la main sur lui. « Musulman ! » s'écria-t-il de toute sa force. « À l'aide ! Écoutez la friponnerie que ce méchant homme m'a faite !» En même temps, il raconta à une assez grande foule de peuple qui s'était assemblée autour de lui ce qu'il avait déjà conté à ses voisins. Lorsqu'il eut achevé, le vieillard, sans s'émouvoir, lui dit froidement « Vous feriez fort bien de me laisser aller et de réparer par cette action l'affront que vous me faites devant tant de monde, de crainte que je ne vous en fasse un plus sanglant dont je serais fâché. Hey, « Hé, qu'avez-vous à dire contre moi ?» lui répliqua mon frère. « Je suis un honnête homme dans ma profession et je ne vous crains pas. « Voulez-vous donc que je le publie ?» reprit le vieillard du même ton. « Sachez, ajouta-t-il en s'adressant au peuple, qu'au lieu de vendre de la chair de mouton comme il le doit, il vend de la chair humaine. « Vous êtes un imposteur !» lui répartit mon frère. « Non, non, dit alors le vieillard. À l'heure que je vous parle, il y a un homme égorgé et attaché au dehors de votre boutique comme un mouton. Qu'on y aille, et l'on verra si je dis la vérité. » Avant que d'ouvrir le coffre où étaient les feuilles, mon frère avait tué un mouton ce jour-là, l'avait accommodé et exposé hors de sa boutique selon sa coutume. Il protesta que ce que disait le vieillard était faux. Mais malgré ses protestations, la populace, crédule, se laissant prévenir contre un homme accusé d'un fait si atroce, voulut en être éclaircie sur le champ. Elle obligea mon frère à lâcher le vieillard, s'assura de lui-même, et courut en fureur jusqu'à sa boutique, où elle vit l'homme égorgé et attaché, comme l'accusateur l'avait dit. Car ce vieillard, qui était magicien, avait fasciné les yeux de tout le monde, comme il les avait fascinés à mon frère, pour lui faire prendre pour de bon argent les feuilles qu'il lui avait données. À ce spectacle, un de ceux qui tenaient Alcouz lui dit en lui appliquant un grand coup de poing. « Comment, méchant homme ? C'est donc ainsi que tu nous fais manger de la chair humaine ?» Et le vieillard, qui ne l'avait pas abandonné, lui en déchargea un autre dont il lui creva un œil. Toutes les personnes même qui purent approcher de lui ne l'épargnèrent pas. On ne se contenta pas de le maltraiter. On le conduisit devant le juge de police, à qui l'on présenta le prétendu cadavre, que l'on avait détaché et apporté pour servir de témoin contre l'accusé. « Seigneur, lui dit le vieillard magicien, vous voyez un homme qui est assez barbare pour massacrer les gens et qui vend leur chair pour de la viande de mouton. Le public attend que vous fassiez un châtiment exemplaire. » Le juge de police entendit mon frère avec patience. Mais l'argent changé en feuilles lui parut si peu digne de foi qu'il traita mon frère d'imposteur. Et s'en rapportant au témoignage de ses yeux, il lui fit donner 500 coups de bâton. Ensuite, l'ayant obligé de lui dire où était son argent, il lui enleva tout ce qu'il avait et le bannit à perpétuité après l'avoir exposé aux yeux de toute la ville 3 jours de suite, monté sur un chameau.